On était tous si contents, on était tous si heureux. Mais maintenant c'est devenu méchant, tolérant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On était des bons voisins, on s'aidait dans tous les besoins. Mais maintenant on ne sait qu'on est plus. Amitié, est-ce que tu existes encore? On risque de perdre sans nécessité tout pour ce qu'on a travaillé. Les préjugés, la stupidité, ils nous amènent vers la bestialité. Une opportunité pour accéder au grand bureau avec l'air climatisé. Et en cherchant à y aller, il s'en fout de l'amitié. Chacun son propre intérêt, c'est moi d'abord qui vais manger. Et comme ça on ne pense pas à ce qui va arriver au pays, à la société. Après moi le déluge s'est passé. L'humanité à travers la nationalité pour arriver à la bestialité. Est-ce qu'on veut la guerre ou la paix? Avons-nous vraiment assez pensé?